Et j'ai pas besoin de ton avis pour savoir que les vrais valides. On a ce qu'il faut pour que tu balises. Ou bien que dans le rap tu fasses tes valises. Électron libre à sa synchronique au promis. Chez moi le métier de l'avance, ça prend au pied d'un bâtiment tout près d'un tronc lit à vide de cash. Gros, j'ai les chicots qui raillent le sol. Et je parle des mêmes choses que d'autres, mais bon, différemment et d'un autre œil. Tricard comme le couteau avec lequel on détaille. Ou celui qui croit finir entier sur les routes de l'illégal. Et bref, j'enfile les gants, les gaz. Je mets indépendant pour ma part. Change de flow comme de tech, mais garde qu'une seule steve. C'est ghetto récital, ça tu l'as ressenti. Tempête et incendie, j'arrive comme un casseau. À 210, à l'inverse de la droiture, ça c'est le mode de vie. Devine ce qui nous motive à part le cash, les timpelés. Berlino dit pas de lyrics à l'autre rose. Vito D.O.N, un de test représente ma zone. Mes frères, t'es l'eau en zone. Toujours en indé pour ma part, je vais mettre les bouchées doubles, frère. Jean qui c'était là, c'est là-bas. Sortez les gamos, c'est les gros fers. C'est l'heure de la pendaison, la tempête sur les ondes. Braver les interdits à plus de 210 dans les ruelles de la zone. C'est pour les rats qui partent au tard. Rêve de drogue et devenir paroncard. Dehors, c'est chacun pour sa peau. On rêve d'un casse par au dave, mais on en devient par au grave. Ouais, salut, mais pour du bif, dis-moi qui l'a trop. Je m'évade parce que je commence à voir double comme un schizophrène. La vie nous met des gros tacles à la gorge et nous dit cher. Ouais, ma frère, on prie pour pas prendre cher vu ce qui nous attend. Pour ma putain d'heure de gloire, je serai jamais à temps. Gros, j'ai plein de vie sur la demeure, toujours partant pour la foutre. Troquer BR et shit dans la mêle, fermer sa gueule et prendre les sous. Traumatise les pans, les tous, c'est ce qu'on m'a dit. De T1R, ma gueule, ouais, c'est le place qu'on pose quand les bombes s'agitent. Et pourquoi ça s'agir? Dis à l'état confort, c'est peine, devenu agile dans la magie. Je veux disparaître des kills de Zeb. Frérot, ça rappe, chez nous, ça rappe. Surtout RATS gang, ma gueule, loin de leur putain de game, solo contre tous. Ils croyaient que j'allais me taire ou bien que j'allais rien sortir. Mais j'arrive deux fois plus d'éther dans un délire sordide. Qui t'a dit qu'on recherchait le luxe ou bien les strass, les paillettes MC? Ton buzz à la con, on le fume et on l'écrase. Toujours en indé pour ma part, je vais mettre les bouchées doubles, frère. Jean qui c'était là, c'est là-bas. Sortez les gamos, c'est les gros fers. C'est l'heure de la pendaison, la tempête sur les ondes. Braver les interdits à plus de 210 dans les ruelles de la zone. C'est pour les rats qui partent au tard. Rêve de drogue et devenir paroncard. Dehors, c'est chacun pour sa peau. On rêve d'un casse par au dave, mais on en devient par au grave. Ouais, salut, mais pour du bif, dis-moi à qui la faut. À qui la faut, à qui la faut. Toujours en indé pour ma part, je vais mettre les bouchées doubles, frère. Jean qui c'était là, c'est là-bas. Sortez les gamos, c'est les gros fers. C'est l'heure de la pendaison, la tempête sur les ondes. Braver les interdits à plus de 210 dans les ruelles de la zone. C'est pour les rats qui partent au tard. Rêve de drogue et devenir paroncard. Dehors, c'est chacun pour sa peau. On rêve d'un casse par au dave, mais on en devient par au grave. Ouais, salut, mais pour du bif, dis-moi à qui la faut. À qui la faut, à qui la faut.